Chapitre 5e, le bungalow blanc. Sur la petite terrasse blanche d'un bungalow à demi caché sous la merveilleuse verdure, aux environs de Los Angeles, un homme et une femme se balançaient doucement dans leur rocking chair. L'homme, jeune encore, robuste, à la figure mâle, grave et bonne, fumait paisiblement son cigare. Autour de lui se trouvaient des journaux qu'il venait de lire, des journaux français. En souriant, il portait son regard heureux, plein de tendresse, sur la jeune femme qui lui faisait vis-à-vis. Cette femme était d'une beauté surprenante. Elle se balançait doucement et sa tête rencontrait un rayon de soleil filtrant à travers les branches. Ses cheveux alors semblaient une mousse d'or éclatante. Autour d'elle, des magazines américains. Elle regardait l'homme en face d'elle et répondait doucement, affectueusement à son sourire. On sentait que ces deux êtres s'adoraient. Un troisième personnage entra qui vint troubler, mais délicieusement, cette scène intime, ce bonheur sûr et paisible. C'était une fillette, c'était un idéal d'enfant, qui rappelait en fleurs l'épanouissement blond de la jeune femme, sa mère. Elle arriva du jardin, sauta les marches de marbre blanc, bondit entre les deux rocking chairs, lança en l'air son chapeau de paille qu'elle tenait par un des rubans, et se jeta dans les bras de la femme aux cheveux d'or en fusion. Elle l'embrassa longuement, puis courut en faire autant à l'homme qui fumait son cigare. Mais cette fois, elle sauta à cheval sur ses genoux et imprima au rocking chair un balancement à le renverser en arrière. « Darling, darling !» fit la mère, voulant gronder, mais ne pouvant que rire. « Tu vas faire tomber ton daddy !»« No !» répliqua la fillette avec un délicieux accent anglais. « My daddy, c'était mon dada !» Et pour le prouver, elle donna dans les mollets de son père, son daddy en anglais, des coups d'éperon avec les talons. Le père, comme tout bon dada, partit au galop à cette invite, c'est-à-dire qu'il fit sauter aussi haut que possible l'enfant sur ses genoux. Quand la course parut suffisamment longue à Darling, elle tira prestement sur les parements de la veste de son père, qui lui servait de guide, et cria « Stop, good daddy, stop, please !» Le cheval papa, obéissant, s'arrêta. « Ça, dit alors la fillette, vous prouve que je sais bien monter à cheval. »« Oh, absolument, affirma le père. « Bon, alors je vais pouvoir vous faire une demande que vous ne pourrez me refuser. »« Voyons la demande. »« Je vais aller avec les cow-boys. »« Eh, attendez, je n'ai pas tout dit. »« Je vais être une cow-girl. »« Quelle idée, magnifique idée. Écoutez-moi. »« Mon ami Pagnose m'a dit que si vous le vouliez, il m'invitait. »« À quelque folie. » Pourquoi Pagnose ne vient-il pas nous dire cela nous-mêmes? Parce qu'il selle les chevaux, déjà. Oui, Pagnose m'a envoyé faire la demande parce qu'à moi, vous ne pouvez refuser. Et quand je reviendrai avec la permission, les chevaux seront prêts, le mien, mon poney Shorty et le sien, Bronco Bill. Bref, c'est un coup arrêté entre vous deux. Tu te crois donc bien assuré de l'assentiment de ta mère et du mien? Vous ne pouvez pas refuser. Voilà ce que c'est. Des amis de Pagnose sont venus de la plaine à Los Angeles pour affaires avec leurs chevaux. Ils campent sur un terrain aux environs. Ils m'ont offert une tasse de thé cet après-midi. Alors Pagnose et moi, nous leur avons dit que nous irions les voir. Tu prendras l'auto? Oh non, à cheval, ce sont des cow-boys qui se moqueraient de nous si nous venions en voiture. Oui, oui, fit le père. Je comprends. Mais va d'abord dire à Pagnose de venir me parler. La fillette sauta à terre, rayonnante. Elle embrassa son père puis sa mère. « Ça, c'est gentil, » leur dit-elle. La fillette dégringola les marches de marbre en criant « Pagnose, father call you !» Darling tenait déjà son acceptation. Inutile d'aller plus loin sans vous dire qui sont les hôtes de ce bungalow blanc sous la verdure. C'est Paulin Broquet et sa femme. Paulin Broquet, le plus célèbre des détectives français, le seul qui ait pu lutter contre le terrible Zigomar et le mettre pour de longs mois dans l'impossibilité de poursuivre ses exploits, et Miss Eden, l'adorable femme rousse. Darling est la fillette de Miss Eden, que Paulin Broquet chérit tendrement en vrai papa. Oui, dirent en riant les parents de Darling, nous pouvons avoir toute confiance dans ce bon et dévoué Jim. Du moment qu'il envoie Darling nous demander cette autorisation, c'est qu'il est sûr que nous pouvons l'accorder. Et qu'il a imaginé encore une bonne partie de plaisir pour Darling. Peu après, Darling, tirant par la main un énorme gaillard qui riait, faisant mine de n'avancer qu'en cédant la force, « Voilà Pagnose !» cria Darling, « il va vous parler !» Jim, appelé Pagnose, d'un sobriquet qui en jargon populaire anglais veut dire « nez camus », avait une bonne grosse tête, des yeux clairs, un rire franc et un nez écrasé. C'était une façon de colosse, type des braves garçons de la plaine américaine, chargés de la surveillance, de la garde de Darling, et dont Darling avait fait son esclave. Donc, dit Paulin Broquet à Jim, vous avez tous deux, Darling et vous, l'intention d'aller chasser le buffle en plaine ou l'ours grizzly dans les montagnes rocheuses? Pas tout à fait, mais je serai content si vous me confiez la petite cet après-midi pour une partie de cheval. Ce sont des amis de la plaine qui sont venus à Los Angeles. Il y a aussi quelques Indiens. Mais c'est de nous connaître les uns et les autres, des amis d'autrefois, qui lui envoient leurs compliments, leurs souvenirs, et qui seraient heureux de voir la fille de celle qu'ils aiment tous et qu'ils vénèrent tant pour la fêter, pour qu'elle dise demain à sa maman que là-bas, on parle toujours de sa vaillance, de sa bonté, que ni peau blanche ni peau rouge ne l'ont oublié. Et je serais fier que nos amis puissent voir Darling arriver sur son cheval. Si sa mère y consent, vous pourriez emmener la jeune cowgirl. J'y consens de grand cœur, dit celle qu'on appelait toujours Miss Eden. Ma fille apportera mon bon souvenir à mes chers amis. Puis elle demanda à Pagnose, qu'y a-t-il Jim dans la troupe? Nommez-moi les Blancs et les Indiens. Pagnose nomma les camarades. À chaque nom, Miss Eden évoquait un souvenir particulier. Elle n'avait pas oublié un détail de sa vie dans la prairie. Bon, conclut-elle, pendant que vous serez auprès d'eux, Jim, nous irons, mon mari et moi, à San Francisco. Nous allons faire choix de quelques présents pour nos camarades et pour leurs femmes. Puis j'irai, avant leur départ, avec mon mari, serrer la main à tous, dans leur campement. Ah, s'écria Jim ému, voilà une bonne nouvelle pour les amis. C'est vous, Miss Darling, qui leur annoncerez la venue de votre mère. Darling ne se tenait plus de joie. Elle ne savait comment embrasser suffisamment sa maman, son daddy, pour les remercier. Puis elle fit asseoir Pagnose sur la deuxième marche de l'escalier de marbre et elle sauta sur son dos. C'était un nouveau cheval. Et agitant son chapeau comme font les cow-boys au jour de fête, elle fit partir Pagnose au grand galop en poussant un cri longuement modulé. L'appel de nos amis dans la prairie, dit Miss Eden à Paulin Broquet. Peu après, le petit bagage accroché à la selle, la fillette habillée en tenue de cowgirl, sous un grand chapeau de feutre à jugulaire de cuir clouté d'argent, au cou flottant, un foulard de soie à la couleur du ranch, venait faire cabrer son poney devant les marches du bungalow blanc. Puis, surveillée et gardée comme le plus cher des trésors par le colosse Pagnose, elle partait au galop sur la route vers le campement des amis de la prairie. On pouvait avoir toute confiance dans Pagnose. Il était fin comme un renard, malin comme un singe, fort comme un buffle, plus fidèle qu'un chien. Il se rendait chez les hommes qui ne parlaient de Miss Eden qu'avec une admiration fanatique, un sentiment presque religieux. Darling serait bien traitée, bien gardée. Rien de fâcheux ne pouvait lui arriver, sauf un effet de la colère du ciel. Et le ciel ne se fâche jamais avec ses anges, même quand il les envoie parfois sur cette terre. Miss Eden, qui ne se séparait jamais de sa fille, savait qu'elle pouvait la confier à Jim. D'ailleurs, Pagnose et Darling n'avaient pas fait un mille qu'ils rencontrèrent un groupe de cavaliers de leurs amis venant au-devant d'eux. Darling acheva donc la route, fillette sur son poney au milieu de ses grands diables aux culottes de peau de mouton, de ses Indiens au chef orné de plumes, mieux gardée que la plus aimée des reines de Ferry par son état-major dévoué. Et Darling, triomphante, caracolait, ses cheveux d'or au vent, agitant son chapeau, criant à l'appel des prairies, auxquelles tous les cow-boys répondaient enthousiasmés, à qui le plus fort, le mieux, laissant déborder, ces hommes rudes et frustes, la fraîcheur de leur cœur resté enfant et leur âme toujours ardente et sincère de fils de l'immense prairie. Darling ne voulait aller qu'au galop, pour donner l'illusion que son poney valait un cheval. « Quant à nous, dit Miss Eden à son mari après le départ de Darling, puisque nous avons promis des cadeaux aux camarades, allons les chercher. D'ailleurs, nous avions formé le projet de faire un tour dans la Chinatown de Frisco, à la chasse au bibelot. Ce sera une bonne occasion. » Le bungalow de Miss Eden et de son mari, Paulin Broquet, se trouvait assez loin de Los Angeles, sur la côte, vers San Francisco. Leur automobile puissante eut rapidement fait de les mener dans la ville et de les conduire à la porte de la fameuse, si curieuse et si redoutable Chinatown, ville chinoise.